Chapitre 7e. Au bois, le matin, Roxervière, à cheval, avait rencontré la brune Talamon, se brouettant elle-même dans son buggy malgré le froid. Ils avaient lié conversation, ce qui n'arrivait pas toujours, car ils étaient fort bons amis, mais de ces bons amis qui ne se mâchent point leur vérité, autrement dit, qui se détestent. Ils se détestaient en s'estimant, à leur façon. Le marquis jugeait Élisabeth supérieure aux autres, parce qu'elle avait été la seule, ou peu s'en faut, à ne jamais le prendre au sérieux dans les comédies amoureuses qu'il jouait avec un art inimitable. Celle-ci le mettait au-dessus du commun pour l'immense général mépris dont il enveloppait les femmes. Ils se traitaient en camarades, bien qu'il y eût entre eux l'écart d'une génération. Ils s'étaient reconnus depuis longtemps invulnérables l'un pour l'autre. On ne peut dire qu'ils s'évitaient. Mais ils ne prenaient à coup sûr aucune peine pour se rapprocher. Tels deux cuirassés de haut rang, fixés réciproquement sur l'épaisseur de leur blindage et gouvernant à contrebord pour ne pas perdre leur temps à se canonner. « Ma pauvre Besse, vous vous encanaillez donc toujours ?» dit Roxervière en laissant son cob marcher sa guise à côté du buggy, tandis que lui-même réchauffait ses mains sous ses cuisses. « Eh bien, dites donc, et vous ?» riposta la dame, qu'on ne prenait pas sans verre. « Je vous conseille de vous vanter de vos exploits d'hier soir. Depuis quand donnez-vous dans la bourgeoisie vertueuse ?» Edmond, qui avait déjà oublié Nadia, fit un geste sincère d'ignorance. « Allons, poursuivit Madame de Talamon, vous savez bien, cette gentille petite femme blonde qui vous a envoyé promener hier soir. Au fait, qui est-ce » demanda Roxervière, soudainement remémoré. « Elle est vertueuse ? Ma bonne tante avait donc voulu faire une surprise à ses invités ?» « Elle y a réussi dans tous les cas en ce qui vous concerne. Vous avez été superbe d'étonnement. Refuser une place dans votre coupé. Ne pas vouloir être compromise par vous. Avouez que c'est la première fois qu'une femme vous joue un tour pareil. Non, en vrai, vous étiez drôles tous deux. » Et j'ai pensé à l'histoire du lion de Bidel. « Quelle histoire ?» fit Roxervière. Un jour, dans une tournée en province, Bidel engage un brave garçon de la campagne pour nettoyer ses animaux. Le lendemain matin, savez-vous ce qu'aperçoit le dompteur faisant sa ronde ? Mon campagnard, qui était entré dans la cage du plus gros lion et qui lui débarbouillait le museau avec une éponge d'un air convaincu. Le roi du désert, ahuri, se laissait faire et contemplait, j'en suis sûr, le paysan du même air que vous aviez en dévisageant Madame Fresnel. Que vient-elle faire chez Nathalie, cette vertueuse Madame Fresnel ? Se repaître, je pense, du spectacle de nos dépravations. Elle arrive de quinte en quatorze, s'assied sur le bord d'une chaise, écoute, regarde, ne dit pas grand-chose et s'en va. Séparée ? Oui, mais selon la formule, tous les torts sont du côté du mari, qui est lui-même de l'autre côté de l'océan. Et vertueuse ? Mieux que vertueuse, on ne lui a jamais donné personne pour amant. Le difficile, pour une femme séparée, n'est pas d'être une sainte, c'est de ne point passer tout en l'étant pour une messaline. Vous la connaissez ? « Diable, mon cher, vous cherchez déjà son adresse. Eh bien non, je ne la connais pas. Je crois que je lui fais une peur affreuse. Jugez donc ce que ce sera de vous. Laissez-la tranquille et quittons-nous, je gèle. » Ils se quittèrent en effet, l'une très amusée d'avoir fait grimper ce fier conquérant, l'autre songeant avec une moue peu rassurante à l'histoire du lion de Bidel que cette damnée moqueuse allait placer partout. Roxervière n'était pas auvergnat pour rien, il ne lâchait pas prise. 2 heures à peine écoulées, il savait, par Nathalie, l'adresse de Madame Fresnel. En quittant la rue de Monceau, il s'était fait conduire tout droit au numéro indiqué du boulevard Saint-Germain. D'après les renseignements de la générale, donnés avec cette bienveillance ordinaire à toute fille d'Ève parlant d'une de ses sœurs, le bel Edmond s'était figuré par avance l'entrée qu'il allait faire. La cuisinière, en tablier sale, essuyant ses doigts gras pour prendre la carte de visite et perdant la tête à la vue d'un marquis, la maîtresse de maison, surprise en matinée de flanelle ou bien s'enfuyant, sans désirer d'être vue, vers les saules de sa garde-robe et reparaissant avec sa plus belle toilette mise de travers. Au lieu de cela, une femme de chambre correcte, respectable, lui avait présenté le plateau d'argent en l'étudiant des pieds à la tête d'un seul regard froid. Puis, après une attente juste assez longue pour écarter toute idée d'empressement, on l'avait introduit dans un salon petit, mais aussi peu bourgeois que possible, où une femme plutôt élégante, assise au coin de la cheminée, le regardait venir. Nadia, d'un geste calme, lui fit boire un fauteuil. Elle n'était jamais timide chez elle. On pouvait même lire dans ses yeux un regard sécrane qui signifiait « Toi, si tu dis un mot qui me déplaise, je te flanque à la porte comme les autres. » Elle se trompait en croyant qu'il était comme les autres du salon de Nathalie. Certes, il n'estimait pas plus les femmes, au fond, mais il leur accordait invariablement, quelles qu'elles fussent, la déférence extérieure imposée par l'éducation du gentilhomme. Il ressemblait à ces industriels de haute marque qui font voyager les agneaux destinés à la boucherie dans des voitures capitonnées. « Madame, commença-t-il, jugeant le terrain avec son coup d'œil incomparable, je ne comptais pas ce matin avoir l'honneur de vous voir aujourd'hui, mais une amie que j'ai rencontrée m'a fait craindre de vous avoir déplu hier. Déplu, monsieur, mais je ne me souviens pas. Tant mieux, on s'est trompé alors. Cependant, quand je vous ai offert ma voiture, vous avez paru, comment dirais-je, un peu choqué. Oh, monsieur, comme vos amis exagèrent, je n'ai point été choqué, surprise, tout au plus. Franchement, j'ai eu tort. J'aurais dû me souvenir que, chez la générale, on reconduit beaucoup. Mais moi, je suis une sauvage. Je mériterais d'être montrée sur la grande pelouse du jardin d'acclimatation. Je crois, dit Roxervière, que vous n'y feriez pas beaucoup d'argent. Les Parisiens n'aiment en fait d'exception que celles qui les flattent, et fort peu celles qui les condamnent. Ainsi, dès l'abord, il entrait dans son rôle favori d'homme sévère mais juste, et Nadia ne put s'empêcher de sourire en songeant que l'irrévérencieux Valroy l'avait appelé monsieur Pedlou. Puis elle sourit de contentement d'elle-même, à l'idée qu'elle avait l'esprit assez libre pour sourire, enfermée toute seule avec le dangereux Roxervière. Elle pensait à toutes les grandes dames, excellentes, duchesses, princesses, dans le salon desquelles cet homme étonnant s'était assis, comme il était assis là, à trois pas d'elle. Une curiosité lui venait de savoir comment il était entré en matière dans ces occasions. Pas en parlant philosophie et morale mondaine à coup sûr, ainsi qu'il faisait en ce moment. Mais son but n'était pas le même, selon toute vraisemblance, et Dieu sait que Nadia ne songeait pas à s'en plaindre. Elle se souvenait de ce que lui avait dit Sireuil. Cet homme a porté malheur à la plupart des femmes qu'il a conquises, à commencer par ses deux épouses légitimes. Toutefois, elle ne trouvait pas à son visiteur, en l'écoutant causer, l'esprit si lourd qu'on l'en avait prévenu. Elle l'estimait d'avoir tant de sagesse et lui savait gré de se montrer bon enfant sans prétention, comme il faisait. Elle approuvait gravement, ne pouvant guère contredire cet interlocuteur qui parlait comme Salomon. Sans penser à mal, elle avait repris sa tapisserie, ce qui ne plut point au bel Edmond. Cette petite femme qu'il était venu remettre à sa place, comptant des points à son nez. Le lion de Bidèle cherchant sa revanche de l'éponge et se piquant le museau à une aiguille. Au bout des 30 minutes réglementaires, le marquis s'en alla, clignotant des yeux, avançant le menton, arrondissant ses épaules d'Auvergnat, ce qui dénotait chez lui l'humeur douteuse. Au contraire, Madame Fresnel éprouvait cet heureux soulagement du jeune soldat qui se trouve sans Orion au sortir de la bataille. Peut-être, au fond, eût-elle souhaité devoir éprouver sa bravure par une canonnade plus sérieuse. Mais personne ne pouvait nier qu'elle n'eût fait bonne contenance. Le soir, Paul arriva, la mine un peu renfrognée. « Je ne vous demande pas où vous étiez hier, » dit-il. « Vous faites bien, je serais obligé de vous confesser que j'étais chez Nathalie. » Et comme il ouvre la bouche, pour une réprimande où il comptait mettre toute la sévérité dont il était capable, ce n'était pas dire beaucoup. « Pas de serment, » fit-elle en lui fermant les lèvres par une caresse. « J'en ai déjà essuyé un aujourd'hui. » Alors, mis en joie par le plaisir inaccoutumé de pouvoir conter une anecdote intéressante, elle débita de verve son aventure avec Roxervière, se moquant un peu de lui, mais pas trop, car elle voulait se donner le luxe, assez rare, de rendre Gérancy jaloux, l'imprudent comme il a faute de ne pas l'être. « Je connais le pèlerin, » dit-il. « J'ai même peint pour lui un de ses attelages. Vous n'êtes pas la femme qu'il lui faut. Soyez tranquille, vous ne le reverrez plus. » Elle le revit cependant, la semaine suivante. Elle eut su quelque gré d'avoir fait mentir Paul. Auxerrières y gagna de la trouver plus indulgente pour son air, moitié hautain, moitié bonhomme, d'altesse en voyage. Il fit le tour de l'être intime de Nadia comme il eût fait le tour d'une fabrique intéressante, interrogeant, examinant, blâmant, conseillant au besoin des améliorations avantageuses. Ce qu'il ne disait pas, c'est que l'objet était assez de son goût, et qu'il n'était pas éloigné d'entreprendre les améliorations pour son compte. Il était rassasié des aventures à grand orchestre, des femmes à sensation, des liaisons qui font coucher tard. D'ailleurs, la race des viveuses pur sang du Second Empire ne se reproduisait plus. Les sujets devenaient rares et lui-même était moins apprécié par les péronnelles du jour, ainsi qu'il les appelait. Cette tranquille Nadia, sans mauvaise habitude, sans ambition, sans passion, sans vice, il le croyait, sans amant, il voulait le croire, était précisément la femme qu'il lui fallait à l'heure présente. Il songeait à en faire non pas l'asile de sa vieillesse, il n'en était pas là, Dieu merci, mais un de ces refuges commodes où le flâneur évite l'encombrement, se repose du bruit, et au besoin attend l'équipage à sa convenance. Il revint avec une régularité patiente, conseillant, instruisant, réformant, se montrant quelquefois sévère, toujours juste, habituellement bon. Nadia, d'abord étonnée, le laissait dire, quitte à en faire à sa tête, car elle ne brillait pas par l'obéissance. Alors il la punissait, en lui tenant, sur la triste situation d'une femme séparée, des discours qui la laissaient dans un découragement noir dont Chérency avait le contre-coup. Quant à ce dernier, religieusement instruit de chacune des visites de Roxervière, il était loin de vivre sur un lit de rose. Il envoyait le marquis à tous les diables pour son assiduité, gardait une grosse rancune à Madame Fresnel de le recevoir, mais n'osait rien dire, de peur de paraître jaloux. Quand il la trouvait dans un accès d'humeur grise, il la chapitrait au lieu de la consoler, comme jadis. « Allons, ricanait-il. Méphistophélès a joué aujourd'hui la grande scène de l'Église. Il vous a fait souvenir que vous êtes abandonné de Dieu et des hommes. Souviens-toi du passé, etc. Je l'entends d'ici. Avouez qu'il ne manquait que l'orgue. » Prêcher d'un côté, l'art des épigrammes de l'autre, la pauvre Nadia trouvait au fond les hommes bien ennuyeux. Elle n'osait plus, pour se distraire, aller chez la générale, de peur de déchoir dans l'estime de Roxervière, qui parlait de ce salon comme d'un milieu déclassant. Sa grande ressource était dans la femme de l'architecte, qui venait chez elle à chaque instant, poussée par l'espoir, souvent réalisé, d'y rencontrer un marquis, et quel marquis! Ce profond diplomate, après avoir d'abord demandé à Madame Fresnel comment elle pouvait trouver du plaisir à fréquenter cette cuisinière, s'était radouci en comprenant qu'elle réclame la cuisinière en question allait lui faire sans s'en douter. Un jour même, en passant, il avait déposé deux cartes que l'on admire encore aujourd'hui sur la table du salon des Lavissières. Depuis cette époque, la trop sensible amie de Nadia ne parlait plus d'autre chose que de son marquis. « Ah, ma chère, quel homme! Qu'il a de l'esprit, qu'il est beau! Comment pouvez-vous ne pas en être folle? De quoi êtes-vous donc faite ?» La présence de l'intéressé ne gênait en rien les élans de Madame Lavissière. À bout portant, elle s'exclamait « Non, marquis, vous êtes trop beau. On n'est pas beau comme cela. Quels yeux! Des saphirs! Et vous dites que vous avez 40 ans ?»« 48, madame. Dites-le à tout le monde. Je suis trop conservé. C'est ridicule, je le sais, mais ce n'est pas de ma faute. » Alors, tandis que la femme de l'architecte le dévorait du regard, la poitrine haletante, son nez en l'air d'ouvrière parisienne tout frémissant, Roxervière entamait une conférence sur la vanité des avantages périssables de l'extérieur. « Écoutez-le, » soupirait son admiratrice pâmée, « on croirait entendre Rothschild prêcher le néant des richesses. » En somme, devant Nadia, on ne parlait plus que de Roxervière quand ce n'était pas Roxervière qui y parlait. Parfois même, elle éprouvait cette sensation de malaise que procure une médication poussée à l'excès. Sur ces entrefaites, elle apprit avec une grande joie l'arrivée prochaine à Paris de sa cousine de Chalonne. C'était la première fois depuis son veuvage, autrement dit depuis 3 ans, qu'on allait revoir la comtesse dans la capitale.